Lettre 26e, incluse dans la lettre précédente. Sulpici à Calpurnie, Bay, septembre 301. Avec toutes les peines et les sacrifices imaginables qui m'ont coûté plus que je ne puis le dire, je suis enfin parvenu à gagner un de mes esclaves. Il m'a promis de te faire remettre cette lettre. Grand Dieu, moi, corrompre des valets, pour les faire manquer à leurs devoirs et désobéir à leur maître. À quel abaissement me force la juste défense de moi-même, permise même aux êtres les plus faibles? Moi qui abhorre toute espèce de détour, de trahison, je suis obligé de tromper, de m'abaisser à la prière, pour rendre un esclave infidèle à son maître. Dieu, Dieu, quelle situation! Je suis prêt de succomber à mon désespoir. Mourir n'est rien. Les portes de la mort sont toujours ouvertes, et celui qui sait mourir n'a pas besoin de ramper. Mais vouloir mourir et ne pas le vouloir, n'être seul dans aucun moment, suivi à chaque pas, écouté à chaque mot, n'avoir pas un tiroir, pas un meuble qui ne soit ouvert et visité plusieurs fois dans la journée, être privé de tous les moyens de mettre fin à une situation aussi désespérante, secouer ses chaînes dans une rage impuissante sans pouvoir les rompre, voilà la position la plus affreuse qu'une mortelle puisse éprouver. On a découvert pendant mon séjour à Rome que je recevais des lettres d'Asie par ton entremise et que ma liaison avec Tiridate existait encore. Serranus et mon père se décidèrent alors d'user de la plus grande rigueur. Je fus traîné dans cette solitude où je suis traité en criminel. On se fait un devoir de me rendre la vie aussi amère que possible et cependant, malgré mon désespoir, je pourrais encore, au milieu de tant de maux, jouir du bonheur suprême. Oui, Calpurnie, je le répète, plus on s'obstine à me rendre la plus malheureuse des femmes, plus je pourrais être heureuse si j'étais encore aimée. Bonheur ou désespoir, telle est l'existence d'une âme sensible et passionnée. En vain, le sort acharné l'accable-t-il des plus cruelles persécutions? Elle oppose à ses coups cette pensée « Je suis aimée » et le malheur s'évanouit pour faire place au sentiment le plus délicieux. Alors ce qu'on souffre pour celui qui vous aime devient une jouissance. Celui qui possède en entier le cœur de son ami, qui peut s'y reposer en toute confiance, n'est point malheureuse. Quel que soit le sort qui l'attend, elle ne craint plus aucun danger, aucun sacrifice. Rien ne coûte pour ceux qu'on aime. Que tout dans la nature, que les dieux même soient contre elle, que lui importe. Elle aime, elle est aimée. Insensée que j'étais. Comment ai-je pu me plaindre lorsqu'un enchaînement de circonstances naturelles éloignait de moi mon Tiridate? Je croyais être bien malheureuse, et je ne le suis que de ce moment. Mes plaintes étaient injustes, et mes peines des bagatelles, en comparaison des maux qui me consument. J'étais aimée et j'osais murmurer « Oh Dieu, rendez-moi ce temps où je n'avais à pleurer que son absence, où je vous importunais de prières inconsidérées pour me le rendre. » Ah, ce n'est plus lui que je vous demande, c'est son amour, c'est ce cœur qui ne battait alors que pour moi. J'étais aimé et je ne le suis plus. Cruelle, affreuse idée qui me déchire, qui me brûle comme un feu dévorant. Aucun langage ne saurait exprimer le supplice renfermé dans ces mots, je ne suis plus aimé. C'est là, tu peux m'en croire, le seul malheur que l'on puisse éprouver en aimant, oui, le seul véritable, tous les autres sont des chimères. Pendant 2 jours, j'ai nourri le trompeur espoir que mes persécuteurs avaient imaginé ces calomnies pour me détacher de Tiridate. Mais à présent, j'ai des preuves incontestables que tout est vrai et que je suis la plus infortunée des femmes. Marcius Alpinus de Nicomédie, homme froid, raisonnable, qui voit les choses telles qu'elles sont et qui n'a nul intérêt à tromper sur une chose qui lui est aussi indifférente, a écrit à un de ses amis à Rome. Et mon frère a obtenu cette lettre de la personne à qui elle est adressée. 2 des plus belles femmes de la cour, mariées et du plus haut rang, partagent avec les courtisanes les plus renommées les hommages de celui que je regardais déjà comme mon bien exclusif, de celui qui m'a juré tant de fois que j'étais pour lui la seule femme dans l'univers. Illusion trompeuse, serment, honneur, fidélité, gloire et jusqu'au trône, tout a disparu à ses yeux éblouis par la volupté. Sulpici doit être bien oublié, puisqu'il la sacrifie à d'indignes rivales si différentes d'elle. Oh, Calpurnie, Que ne puis-je perdre avec ma raison, avec ma mémoire, le sentiment de ce qu'il était autrefois et le désespoir de l'avoir perdu? Je ne veux plus vivre ni traîner une existence inutile et détestée. M'aimes-tu encore, Calpurnie? Le monde où tu vis t'a-t-il laissé un cœur pour la compassion, pour l'amitié? Si tu es toujours mon ami, je t'en demande une preuve. Procure-moi une goutte, une seule goutte de cette liqueur bienfaisante et terrible qui coupe à l'instant le fil de la vie, et ce dernier instant sera pour te bénir. Je ne suis plus aimé. Oh, pourquoi cette parole ne suffit-elle pas pour m'annihiler ?